tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse Un printemps au temps du confinement, une série collective réalisée par Angélique Thibault et Anne Pérez Franchini. Au départ de cette série, il y a cette année étrange qu'on vient de vivre tous et toutes et le souvenir de ce mois de mars 2020 qu'on a enregistré à 13 pour garder une trace et qui nous replonge dans un confinement qui parfois a été très dur. Alors pour commencer, les personnages. Une mère discrète, un prisonnier libéré, une chercheuse contre la famille, des jeunes aux aguets, une jeune femme qui a été violée, une psychologue, un homme en marge, une femme convalescente, des bénévoles et de vieux ouvriers. Ensuite, le décor. La famille, des coups de fil, des rencontres clandestines, des gestes barrières, la rue, un terrain ouvert, des distributions, des applaudissements et la mort solitaire. Aujourd'hui, premier épisode, en voiture, on met la radio. Un printemps au temps du confinement. Une série fabriquée à distance et à 34 mains avec les moyens du bord et l'agilité de la radio pour raconter et faire entendre les 55 jours de cette drôle de vie à l'ombre du coronavirus. Le confinement a joué comme un révélateur. Il a exacerbé les tensions, les inégalités sociales et les violences familiales. Quelles que soient nos conditions de vie, chacune, chacun, nous avons tenté de résister, dans notre coin ou à plusieurs, à la maladie, à l'enfermement. Toutes et tous, nous avons bricolé des solutions, inventé des moyens de s'échapper et beaucoup réfléchi. Voici le récit de bribes de vie confinées et peut-être aussi l'esquisse d'un après. Bon, alors vous allez vivre confiné et s'échapper. Ben, nous aussi. On en a marre quand même, hein, pour dire la vérité. C'est quoi, c'était tomate? Oui. Bon, alors il faut rester discret, hein, par rapport au voisinage. Pourquoi? Mais il ne faut pas se faire repérer par les voisins. Hein? Quoi? Fais attention. Fais attention, la voisine a soulevé le rideau. Elle nous a vus minces. Viens, viens vite. Allez, on va rentrer par le sous-sol, comme ça on ne va pas nous voir. Tu vas prendre ce que tu as à prendre et fut, vous allez repartir. Bon, j'ai pas peur de la dénonciation, mais ce qui me gêne, c'est par rapport aux autres. On est dans une collectivité, il faut bien quand même respecter les règles. Par contre, j'estime qu'il y a des cas particuliers et qu'on peut... outrepasser la règle. Comme ici, on se voit rapidement, on ne mange pas ensemble et on tient nos distances, on ne s'embrasse pas. Je pense que toutes ces précautions sont faites pour nous protéger. Je me rends compte aussi que nos libertés sont réduites. Et à certains moments... je suis dominée par de l'impuissance, de la soumission. Toi, tu te sens infantilisée? Bah, par moments, oui. C'est-à-dire qu'on devrait donner les grandes lignes et ensuite, après, faire confiance au bon sens des gens. Ben, ça monte beaucoup parce que déjà la récréation, ben, on regarde par la tête, on voit pas mal de choses et puis c'est bon, ça égaye le quartier, quoi. Puis alors à 10h30, ben, on n'entend pas les bruits des enfants qui, enfin, c'est pas des bruits parce que nous, ça nous fait un peu d'animation, quand même, on aime bien. Ce matin, je rencontre quelqu'un, je m'approche, il se recule. Et puis, j'ai ma télé. Par rapport à celui qui habite au rez-de-chaussée. J'allume mon phare. Dis donc, je les touche. Et puis, j'ai une grande fenêtre où mes doubles rideaux sont souvent fermés. Je ne veux plus voir ce qui se passe demain. Oui. Oui, bonjour, oui, c'est moi. À la porte. à la portée, elle m'a appelé par mon nom de famille et elle m'a dit que j'étais libéré. J'avais fait plusieurs demandes de mise en liberté, mais elles ont toutes été refusées. Depuis le début, ça a été le même motif, sachant que pendant 8 mois, il n'y avait vraiment aucune nouvelle. Et après, d'un seul coup, en 8 mois, il y a eu un rebondissement. Et du coup, c'est mon avocate, Maître Sécheresse, elle a fait une demande. Demande de mise en liberté pour des raisons sanitaires à cause du Covid-19. Et du coup, 2 jours après, ils sont venus me dire que j'ai été libéré. Et après, du coup, là, moi, je suis sorti sous contrôle judiciaire. Ça fait 6 jours. Ouais, 6 jours. Enfin, il y a des choses que je dois respecter, du coup. Mais c'est... Enfin, je réalisais pas vraiment que j'étais... Je réalisais pas trop que j'étais dehors. Enfin, que j'étais en liberté. C'est... Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui, par exemple? La même chose qu'hier. Enfin, je regardais la télé, m'occuper de mes petits cousins, cousines. Sinon, pas grand-chose. Ce matin, quand même, je t'avoue, je suis allée chercher du pain. J'allais à la boulangerie, je suis chercher mon pain. Brigitte, je ne l'ai pas dit encore, mais je dirai tout à l'heure. Non, elle ne voulait pas que je sorte, puisque... Alors, mais le vendredi avant, alors Brigitte m'avait dit non, tu n'iras pas au marché, le marché va rouvrir, mais tu ne vas pas aller au marché, moi je ne vais pas y aller non plus. Alors avant que Brigitte se lève, je suis partie au marché. Il n'y avait pas mon marchand de légumes. J'ai mon autre copine, la copine ordinaire, je dis, avec qui on se téléphone tous les soirs aux alentours de 6 heures. Elle en a marre, elle dit, elle ne peut pas sortir du tout, hein, parce que ses filles l'enferment hein, complètement. Alors je lui ai dit, va donc à Super U à 8 heures du matin. J'ai dit, les filles, ta fille, elle n'est pas levée, alors t'as qu'à y aller. Puis quand tu reviens, ben, tu diras, ben, je suis là, puis c'est tout. C'est une rebelle, quoi. Oui, un peu comme moi, tu vois. On est de la même catégorie. Nous méritons mieux que la famille. Je crois que les personnes confinées, entassées, paniquées, sont en train de réaliser ce fait. Alors, pendant le confinement... Alors... Il y a plusieurs choses. Il y a le confinement, le fait d'être enfermé, le fait d'avoir un gouvernement qui vous interdit certaines choses. Ça renvoie aussi à des situations familiales où vous vous retrouvez en situation de dépendance, en situation de devoir vous soumettre à un contrôle de vos libertés. En révélant les carences du foyer privé, l'épidémie nous impose un petit peu de remettre l'abolition de la famille à l'ordre du jour. Parce que même sans avoir des connaissances de ce que ça voudrait bien dire, abolition de la famille, il y a beaucoup de personnes, je crois, qui interrogent les présupposés d'une stratégie de distanciation sociale et de confinement. Notamment l'idée d'un chez-soi comme espace où l'on pourrait être à l'abri, parce que l'espace privé tel que l'habite la famille nucléaire est marqué par des rapports de domination, de propriété, de violence qui participent au bon fonctionnement du capitalisme. Pour être un peu provocatrice, comment un espace aussi déterminé par les inégalités de pouvoir, qu'elles concernent le travail domestique, la dette locative et hypothécaire, la propriété foncière et l'acte de propriété, ou encore la parentalité patriarcale, et souvent l'institution de mariage, pourrait-il être bon pour la santé? Rester chez soi pour rester en santé, non. RAS. Ça s'appelle la paranoïa. Vous avez entendu quelque chose? Ouais, moi aussi. Ouais, une porte fermée. Une roue de voiture. Ouais, mais c'est moi aussi, je pense. Attends, du coup, je vais faire le guet. Attends. Ah non, c'est la NAS. Mais non, c'est la NAS, écoute. Là. Ah, il monte à l'accent. Ah ouais, tu vois, il y avait bien une voiture, vois, j'ai bien entendu. Voiture, hein. Ah, moi aussi, je l'ai entendu. C'est quoi la NAS? Nationale. La route nationale. Oui. Ouais, mais c'est une départementale, mais c'est nationale. Ouais, on a c'était une NAS avant. Ouais. Non, avant c'est c'était une départementale, c'était la D606 maintenant. Mais non, c'est maintenant que c'est la D606, mais avant c'était la NN6. Ah ouais, peut-être bien. À la campagne. Le petit coucher de soleil. Ah ouais. Bon, il est pas là. Ça c'est beaucoup plus lumière, ça. Qui est là à l'église. Bah, comme ça, on... pour pas être entendu. Ouais, pour pas être entendu. Pour... comme ça, on gêne aussi, personne. Oui, ni vu. Ni vu. Ouais. Pour pas qu'il y ait des appels ou quoi que ce soit. Ils appellent les gendarmes pour nous signaler. Ça sert à rien. La ferme. Des collabos. C'est des plaintes anonymes comme ça, et du coup, bah après, les policiers, enfin, la police vient plus souvent, et du coup, voilà quoi. Mais c'est partout. Ça, hein. Ça se comprend dans un contexte comme ça, mais. Ça se comprend. Bah, ouais, ça se comprend. Hein, genre, ils voient des jeunes sortir, alors qu'eux, ils respectent bien le confinement, alors que nous, on le respecte pas en totalité. Je peux m'approcher un peu. Vous gardez les distances de 1 mètre minimum entre vous, là? Pas de ouf, en vrai. On essaye, mais pas trop. Bon, on a l'habitude avec les potes d'être proche. Bon, on essaie quand même. Mais là, c'est quoi, que vous roulez des pétards ou des cigarettes? Non, c'est une cigarette. Et vous? Bon, moi, un pétard. Mais donc, comment vous faites? Vous fumez sur les mêmes... Non, il veut fumer, il s'en va, c'est tout. Jamais? Bah non, c'est... ça serait complètement con. Ah, donc vous... La bouteille d'eau, le pet, tout ce que ça touche, bon. La bouche, même les mains, on se serre pas la main, on fait ouais. Le truc avec les coudes et tout ça, jamais on partage. Donc vous respectez pas certaines consignes, mais certaines consignes, bah, oui. Des fois, on est un peu trop près de l'un et l'autre, mais... C'est qu'on peut respecter au maximum, on le fait. Oui. Vos parents, ils savent que vous réunissez? Non. Non, parce que... Bah moi, ça leur plairait pas, ils m'ont dit de pas avoir de gens... Ah ouais, on s'est toujours vu que nous. Ouais, que nous. Jamais de personnes extérieures. Non. C'était les 5 et les 5, c'est tout. Nos parents sont confinés, du coup, en soi, le risque, il est moindre. Il est beaucoup moindre. Au final, c'est comme si on était qu'une seule personne. Enfin... Seule... Non, mais c'est bizarre, ouais, mais... Ouais. C'est comme si on était confinés ensemble. Et puis le début du confinement, on est comme ça, il n'y a personne... Déjà un mois, je pense que... Voilà, on est bien. Du coup, c'est sympa. Ça fait un peu comme les grandes vacances, quoi. Ouais. On sort, ensuite on rentre... Et puis, bon après, c'est quand même tous les jours la même chose. Mais... Ouais, c'est tous les jours la même chose. On est dans une boucle infinie. Bah, nos journées, c'est exactement les mêmes depuis un mois. Et non. Vous faites quoi? Moi, je suis coureur. Moi, je suis en école de commerce à Dijon. Depuis, bah, c'est ma première année là, du coup, je passe en deuxième année. D'accord. Je suis première année de faculté d'économie à Dijon. Moi, je suis en deuxième année de fac d'éco-gestion à Paris. D'accord. Et moi, je suis plaquiste en bâtiment. Parce que avant vous étiez parti de chez vos parents là pour faire vos études. Ouais. Et comment vous vivez le retour à la maison? Bah, eux aussi, moi personnellement, je pense qu'ils font aussi des efforts pour que ça se passe bien. Enfin, comme moi, j'essaie d'en faire, comme ça, tout le monde est content et on se tape pas dessus parce que dans tous les cas, personne ne peut partir, personne ne peut. Donc autant gérer ça, quoi. C'est compliqué, mais bon, on fait avec. Ils sont là. On sait pourquoi on est chez eux. Et bah, ils m'accueillent alors que j'ai 22 ans, quoi. J'en connais qui sont mis à la rue pour moins que ça. Voilà. Il y a une sorte de deuxième pandémie ou épidémie qui risque de se propager en ce moment. Une épidémie de maladies mentales et de violences domestiques. Il semble, en regardant les chiffres que nous avons, que les violences domestiques ont monté d'à peu près 30% pendant le confinement. Avec mon voisin, on a... il a acheté une échelle parce qu'on a un accès au toit. Mais en fait, le toit et une terrasse, en fait. Et c'est immense. Et du coup, je fais aussi des vidéos et avec les couchers de soleil. Enfin, c'est magnifique. C'est... Donc, au moins, il y a cet espace-là. Donc, ça, c'est au moins ça. Mais, donc, moi, j'ai mes animaux. C'est vrai que c'est chouette. Il y a mon voisin aussi. Et parfois, on ne dort pas et on va sur le toit et on parle. On a l'impression d'être... on a vraiment d'être tout seul dans Paris. Il n'y a pas de bruit, il n'y a rien, pas de lumière. Qu'est-ce que vous voyez autour de vous, est-ce que vous pourriez juste nous décrire ce que vous voyez par la fenêtre? Alors là, je suis dans mon lit. Je regarde le plafond, qui est blanc. Il y a arabesque pas loin. Sinon, qu'est-ce que je vois? Alors, j'ai... Non, là, mes volets sont encore fermés. Il y a les rideaux. Je vois, comme j'ai un lit superposé, je vois tout en... Je vois mon micro-ondes, je vois mon bureau, je vois mon... J'ai des photos des femmes qui comptent beaucoup dans ma vie. Ma meilleure amie, Adélaïde, Muriel... Enfin, vraiment, voilà, toutes les femmes qui comptent beaucoup dans ma vie... Tout ça, je l'ai accompagné ou pas à pas. Rabelle, je l'ai accompagné dans toutes les procédures urgentes, médicales. Hein. Elle avait besoin d'une contraception d'urgence, elle avait besoin de traitements prophylactiques contre le VIH et contre d'autres MST, un relevé de preuves. Hier, en plus, je suis rentrée, j'ai l'impression d'avoir le Covid partout. Prélèvement ADN, prélèvement de sperme, etc. J'ai tout mis dans une valise, là, il faut que j'aille à la Vendatique, j'ai tout lavé... Bien entendu, on a travaillé tout ce qui s'est passé. Ouais, et pourquoi je peux pas dormir sur le dos. Comment il a sidéré? Ouais, parce que ça vous rappelle. Tout ce qui lui passe par la tête, elle me le dit. Mmh. Donc, on le retravaille. Pas sur le dos, et donc, il y a tout qui me perturbe. Mmh. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, donc je suis médecin, je suis psychiatre, je suis spécialisée dans la psychotraumatologie de la prise en charge des victimes de violences. C'était le soir que ça s'est passé de nuit. Le fait qu'elle comprenne ce qui lui est arrivé est absolument essentiel pour pouvoir échapper à une souffrance supplémentaire en termes de culpabilisation et puis en se disant « mais je suis tarée, je fais n'importe quoi ». Et puis non, c'est normal. Oui, enfin, il faisait encore après, jour, mais... De l'accompagner. Et c'est vrai que c'est en fait super effrayant de... Des odeurs, de pas... Des douleurs. De pas se souvenir de... Je vais répéter, je sens son sexe en moi, c'est atroce. Je me lance comme si elle voulait se séparer de son corps, quoi. Tellement son corps l'a torturé encore. Et je me dis, mais c'est fou à quel point j'ai l'impression... Enfin, c'est quelque chose qui est en dehors de moi maintenant. Et puis, je suis toujours à la ramener dans la réalité. C'est-à-dire qu'elle est tirée dans le passé atroce, quoi. Et moi, je la ramène dans la réalité, rien qu'en en étant avec elle, en lui parlant, en lui expliquant ce qui lui arrive. Puis moi, après, je suis garante de sa mémoire. Elle dépose les choses. C'est moi qui est garante par rapport à une situation qui, sinon, va s'effacer. Ça passe si vite dans une autre case du cerveau. Bref, ce confinement ne me va pas du tout. Et tout est pulsionnel. C'est-à-dire que petite, on m'a alcoolisée et on m'a donné des médicaments pour arriver à ses fins. Et du coup, dès qu'il y a quelque chose qui se passe mal et que ça ravive quelque chose, la mémoire traumatique, de façon pulsionnelle, je prends 12 Valium. Et j'ai pas envie de mourir. C'est juste que ça m'arrive quelque chose et que je refais la même chose. Ce qu'il faut, normalement, quand on a subi un énorme traumatisme, c'est ne jamais être seul. Enfin, c'est être réconforté, c'est être entouré, c'est, voilà, ne pas se retrouver seul. Parce que, aussitôt qu'on se retrouve seul, on est réenvahi par les violences et par l'agresseur. Si on est avec quelqu'un, on est beaucoup moins envahi. Donc, ce confinement est vraiment terrible parce que, parce qu'on ne peut voir personne. Là, je suis en mode anesthésie totalement puisque j'ai subi un viol il y a 2 jours. Hier, je me suis effondrée avec Muriel au téléphone, mais c'est vraiment par vague. On s'est échangé une quantité de SMS par vidéo où je suis là. Et puis, si jamais elle a des idées noires, si jamais, hop, tout de suite, elle me l'envoie. Et tout de suite, je désamorce et voilà, je remets les choses. Voilà. Qui remonte depuis votre enfance, quoi. Enfin, tout ce qui s'est passé, c'est ça. J'en veux à ma vie, à mon enfance, qui a été négligée, à moi, petite. Et en fait, plus on fait de liens, plus on répare l'interruption des circuits, on sort de la sidération, c'est-à-dire qu'on peut penser l'événement. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je m'emmerde tellement pendant ce confinement, c'est tellement difficile d'être seule. Bon, je m'octroie, je m'autorise une sortie. C'est quelqu'un que vous ne connaissiez pas ? C'est quelqu'un que je connaissais des réseaux. C'est un acteur, il dessine. Enfin, je veux dire, on parlait depuis vraiment un moment, on se dit au téléphone. Enfin, je veux dire, il n'y avait rien de suspicieux. Je lutte parce que quand il s'est passé ce qui s'est passé il y a 2 jours, j'avais très envie de me faire du mal. Alors que je venais de vivre l'horreur, mais parce qu'il y a toujours cette culpabilité, alors qu'on sait pertinemment qu'on n'y est pour rien. On le sait au fond de soi, mais l'agresseur est si doué. J'ai rien fait de la journée. J'ai juste fait 2 photos de danse. Mais j'ai envie de rien. Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme dans ce contexte. J'ai vu ces dernières heures des phénomènes de panique en tous sens. Nous devons tous avoir l'esprit de responsabilité. Il ne faut pas que les fausses informations circulent à tout va. Et en restant chez vous, occupez-vous des proches qui sont dans votre appartement, votre maison. Donnez des nouvelles, prenez des nouvelles. Je m'appelle Sophie Lewis et je suis écrivaine et chercheuse indépendante. C'est important dans les moments que nous vivons. Une chose est claire, l'intimité physique, c'est absolument nécessaire. Il n'est pas bon pour la santé mentale ou physique de s'enfermer sans contact dans une maison. En ce moment, j'ai un petit ami. Ma femme et moi et ce petit ami, nous avons négocié une sorte de protocole, un mode de vie qui nous paraît vivable pendant quelques mois. On a négocié que c'est juste nous trois qui allons nous toucher, nous voir. C'est vraiment juste une sorte d'improvisation pour survivre. Et j'ai beaucoup de moyens, beaucoup de chance. Je me sens en fait assez bien en ce moment. Paradoxalement. Et d'ailleurs, j'essaye un petit peu de résister, enfin, en tant qu'intellectuel, écrivain, on nous demande tout le temps d'analyser ça, de dire exactement ce que va signifier cette pandémie. Et j'essaie de résister parce que je crois que nous ne pouvons pas dire. C'est trop tôt pour dire, en fait. Ouais. Pour pouvoir parler. C'est encore Harry Potter ? Non, mais peut-être que la Salut. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Hervé. Tu as quel âge, Hervé ? Je vais avoir 50 ans le 8 juin. Là, je suis dans ma 25e année de vie en marge. Je suis un enfant de la DAS. Mon père ne m'a pas reconnu, il s'est barré bien avant ma naissance d'ailleurs. Hein. Et puis, ma mère vivait de façon précaire. J'ai été retiré à ma mère, j'avais 6 mois. J'ai été placé dans une famille d'accueil jusqu'à l'âge d'un an et demi. Et à un an et demi, on m'a placé en foyer. Donc quand j'ai dû quitter le foyer où j'étais placé, ben, je me suis retrouvé dans la merde, sans rien. J'ai dû tout de suite trouver du boulot, sinon je trouvais la dalle. Quoi. Puis j'étais à Paris, puis depuis, ben, je fais SDF sur Paris. J'ai mon duvet, j'ai mon petit matelas, j'ai mon gros sac à dos qui contient quasiment toute ma vie, ma chambre à coucher, ma salle de bain, j'ai aussi une guitare. Après, de temps en temps, si je peux trouver une porte d'immeuble, une porte d'entrée d'immeuble ouverte, ben je rentre. Et quand je vais me coucher, il est 2h, 2h30 du matin, et je me lève, il est 4h, 4h30, 5h. Mais comme je me couche très tard et je me lève très tôt, je peux passer inaperçu. Après, dans le quartier où je suis, avec le temps, je suis devenu, un voisin pour eux. Donc ils s'arrêtent, on discutait, tout ça. Là, ils s'arrêtent pas. C'est coucou de loin et puis au revoir, c'est tout. Avec le confinement, les gens, le peu de temps qu'ils ont à sortir, ils ont autre chose à foutre que de donner une petite pièce à un SDF. Donc je vais être confiné dehors, ma routine, sur mon bout de trottoir, et puis voilà, en attendant que tout ça passe, et en espérant pas choper cette merde. C'est l'abandon, sentiment d'abandon, qui pesant. Mission secondaire. Et puis plus le temps avance, plus on s'abîme, et plus on s'abîme, moins on a envie de s'en sortir. Et là, avec le Covid qui nous touche là, depuis des mois maintenant, ça va être violent, le décompte. Voilà, c'est une promenade avec masque. Masque envoyé par ma copine qui habite à Genève. Et... voilà, la place Voltaire, des petits groupes d'enfants qui discutent entre eux, des tout petits de 3-4 ans, bien agglutinés. En fait, on voit que les gens sont assez heureux de se trouver, et parce qu'il fait beau. C'est un peu comme si tout le monde s'était confiné dehors, en fin de compte. Bonjour. Bonjour. Tu me suis demandé, c'est un peu étrange, il n'a jamais été fermé ce terrain ? Je sais pas du tout, je sais pas du tout dire. Jury, viens, t'es ivrien toi. Ouais, Jury, ouais. Moi, je sais pas. Il m'entend pas, je crois. Bonjour. Bonjour, madame, attention. Je suis derrière les cages, ouais, c'est ça, franchement dangereux. Attention, okay. Les gars. Je vais passer de l'autre côté. Et je voulais savoir, c'est quand même bizarre que ce lieu soit pas fermé. Ça fait longtemps, depuis le début de confinement, ça n'a jamais été fermé ce truc, hein, ce stade. Ouais. Là-bas, c'est fermé sur le côté, tout ça, le parc, ça me passe. Mais ici, ça a toujours été ouvert, je ne sais pas pourquoi. Vous venez tous les jours, vous? Moi, je viens pratiquement tous les jours, je sais pas. On vient, on discute un petit peu, j'ai un peu au foot. Une fois que c'est fini, on tire. Ouais. Il n'y a rien à faire à la maison. Confinement, c'est confiné, tout le monde dort. Toute la journée, on fait rien, de toute façon, après-midi, le soir. À partir de 18h, 18h30, tout le monde sort. On vient ici, on se... Moi, on sort un petit peu, on se connaît. On a vu juste dans le coin, de toute façon, tout d'ici. Regardez, depuis le début de confinement, à personne, je suis ici. J'ai jamais vu quelqu'un qui était contaminé. Ni masqué. Non, regardez, personne ne porte des masques. Ben non. À part celui qui a le ballon. Personne ne porte des masques. Et pourtant, ça fait longtemps qu'ils sont là. Ils viennent pratiquement chaque jour, tous ces gens-là. Chaque jour, pratiquement. Ils habitent dans un appartement à 5, 6 dans l'appartement. Ils en ont marre d'être à la maison. Moi, ils sortent un petit peu, ils se défont. Ils viennent un petit peu, une fois que c'est l'heure de manger, ils s'en vont. Alors ceux qui ont des appartements au jeu, ils rentrent, ils dorment, ils s'installent, il y a de l'espace et tout. Vous jouez main au foot à la fin. Mais ceux qui ont de 20 mètres carrés, 30 mètres carrés, 40, c'est pas grand-chose. Ils en marrent à la maison. Des fois, ils sortent, ils se posent à côté, des fois, ils jouent. C'est long, d'habitude. Excusez-moi, je vais commencer à jouer. Ouais, ok. Vous appelez comment? Kalifa. Et moi, c'est Marie. Ok, enchanté. Allez. Bon foot. Alors bah, ce matin, bah, en fait, j'ai des petits rituels. Hein. Bah, tout d'abord, comme je me remets du Covid, c'est pas évident parce que les moindres gestes du quotidien, ils sont compliqués maintenant. Là, ça fait 3 jours que j'ai pas réussi à me laver. C'est un combat de se réveiller, de tenir debout, d'aller se laver. Donc aujourd'hui, depuis ce matin, je me dis, aujourd'hui, je vais prendre une douche. Même parler au téléphone, ça fait que 3-4 jours que je commence à parler au téléphone. Après ça, le petit déjeuner, hein, je me force à manger. Vous n'avez n'ayant pas d'appétit? Non, parce que j'ai perdu tout le goût. J'ai pas de goût, j'ai plus de goût du tout. C'est l'histoire de ma vie. Ah. Se battre. On est toujours en train de se battre pour tout. Pour vivre, pour survivre, pour manger, pour tout. Voilà. Et puis, alors mon appartement, il est grand quand je suis toute seule. Mais dès que mes enfants et ma fille sont là, tout de suite, on est tassés les uns sur les autres. Au bout du hall, il y a les deux chambres qui se trouvent sur la droite. Donc là, j'ai ma chambre. Hein, la première, c'est ma chambre. Les murs sont encore blancs. Tout est plutôt simple et modeste. Parce que maintenant, j'ai arrêté toute décoration. Je voudrais partir. Et puis, il y a une seconde chambre avec les deux lits de mon fils, de mes fils. Bon, ils sont trois, mais bon, il y en a que deux. Il y a le canapé pour les deux autres. Et puis, les lieux de vie vraiment principaux, c'est ma salle et ma petite cuisine. Et puis, j'ai ma télé, de temps en temps, que j'allume encore. Et puis, j'ai une grande fenêtre où mes doubles rideaux sont souvent fermés. Je vais plus voir ce qui se passe demain. Je me suis toujours dit en arrivant ici que j'y resterai pas longtemps, et j'y suis encore pour l'instant. Les gens sont sympas, les habitants, les voisins, c'est plutôt des gens dont la précarité ne les a pas épargnés non plus. On a tous des parcours de vie, je pense, plus ou moins chaotiques, et on s'y croise. On est confinés déjà. Sans ce confinement, nous, on est déjà confinés. On est plus en mode survie, puisqu'on ne sort pas et on n'entre pas comme on veut dans le Chine. J'ai peur de la police. Avant, quand j'habitais dans le Nord, j'avais une très bonne image de la police. Depuis que j'habite le quartier, j'ai une très mauvaise image de la police. Parce que j'ai peur d'eux. Je me dis, à quelle sauce je vais être mangée? Honnêtement, nous laisser tranquille, ce mot-là, je pense pas qu'ils connaissent. Franchement, les radars d'autoroute, ils nous manquent. Parce que eux, c'est pire que des radars. Ils sont de partout et on dirait qu'ils attendent que ça. Déjà, avant, il y en avait beaucoup. Mais là, tu sors de chez toi, tu te fais contrôler à coup sûr. Dès que tu sors ta tête, hop, ils sont là. Et après, tu nous vois courir. Il y en a plein, ils ont perdu du poids grâce à eux. Hein. Franchement. Vous venez d'où, vous? Vitry, juste en haut. Ah, bah ça va, c'est un voisin. Ouais, c'est ça. Donc en fait, vous avez, vous êtes allé au-delà du kilomètre depuis Vitry. Si on compte, bah en fait, je suis Vitry collé à Ivry. Du coup, donc je sais pas. Mais sinon, ouais, je crois que ça fait plus d'un kilomètre. C'est un kilomètre, je crois. J'ai jamais vu l'ombre d'un contrôle. Après, sur les terrains comme ça, parce qu'on est un peu dans un terrain caché, on va dire. Pas de contrôle. Mais en centre-ville, si, il y a beaucoup de contrôle. On vient de se faire contrôler juste avant de venir. Ah bon? Ouais. Vous avez quel âge? 18. 18 ans. Vous êtes en quelle classe? Terminale. Et donc le bac, ça va se passer comment? Avec les coefficients, je l'ai. Si ça s'arrête là. Après, à voir si je retournerai au lycée. Vous allez faire quoi là sur le terrain? Jouer. Essayer de m'amuser tout en faisant du sport. Enfin, faire du sport. Ça rend tout le monde un peu dingue. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est comme si le besoin de bouger était plus important que la peur. Ça se discute. Vous avez peur ou pas, vous? Un peu quand même. Un peu. Et vos copains, ils supportent, eux? De quoi? L'incertitude. Le confinement dehors, je pense que ça sera plus jamais comme avant, je pense. Je sais pas. J'ai un ami, par exemple, le 14e, il a été verbalisé 2 fois en une journée. Parce qu'il est SDF, donc il n'a pas le droit de se promener. Mais tu veux qu'il fasse quoi? Il vit dehors. Donc il s'est pris 2 amendes. C'est complètement con, parce qu'il n'est pas solvable. De toute façon, il ne pourra jamais la payer, cette amende. Enfin, ces 2 amendes. Ça ne sert à rien de verbaliser les SDF, ils sont dehors. C'est qu'une fois que tu retires tous les habitants de Paris et les touristes, il reste qui dehors? Les personnes SDF, les Roms, les migrants. Et t'as vu comment on est nombreux? Alors là, on se trouve dans le quartier Pleyel, à Saint-Denis. Ce qui m'a touché beaucoup, c'est... juste en face de la Cité du cinéma, créée par Luc Besson. De savoir que... qui est complètement désertée. Des jeunes de banlieue, par exemple, cette période du 93 ou du 95. Et puis juste en face, il y a le collège d'Oramart. Ils sont venus sur Paris faire des maraudes pour amener justement du gel, des gants, de la nourriture, des masques. Et des jeunes gens qui sont en train de décharger... le service social, excuse-moi. Un camion. Bon, d'accord. Les gens, en temps normal, il est débordé. Alors là c'est l'enfer. Et les associations, ben, je sais pas, on les voit pas. Les restos du cœur, les repas, tout ça, ils sont où? Il y a du sucre, il y a des gâteaux pour les goûter, des danettes, des tomates pelées, des pâtes, touche à rien. Du lait. Oui. Vous arrivez d'où là? Là, on arrive de métro. Ça va, voilà, précisément. Je vous ai fait patienter un petit peu, non, hein, désolé. Mais du coup, voilà. Je vous ramène les fruits et les légumes, je reviens tout de suite. Il y a beaucoup de familles qui travaillent au black dans le secteur. Il y a beaucoup de familles qui sont monoparentales, beaucoup de familles qui mangent à la cantine pour 80 centimes par jour, avec le goûter. Donc les premières semaines, ça allait, mais quand t'as 3 gosses et que tu dois les faire manger 4 fois par jour avec le goûter, et que t'es sur les minima sociaux, c'est pas jouable. Donc là, la ville, elle a pas anticipé ça. On leur en veut un peu quand même. Eh ben voilà, c'est super. Je veux vite rentrer à la maison. Donc c'est bon ? Vous avez réussi à ranger ? Dans les cas comme ça, il faut que ce soit les habitants, les associations qui se substituent au pouvoir public. Qui se substituent clairement et nettement au pouvoir public. Si nous on le fait pas, personne ne le fait. Ça va ? Oui, toi. Ça va bien ? Ouais. Bonjour. Il n'y a plus d'argent dans les caisses, comme ils disent. Vous pouvez me raconter un petit peu votre parcours, vous? Ah, mon parcours, c'est un parcours d'immigré, sans papier, travaille sur le chantier, et ça bricole un petit peu par-ci par-là, on est obligé de survivre. C'est un peu dur. Dernièrement, on faisait même, on arrivait même à faire des poubelles pour revendre, pour recycler, pour voilà quoi. Des habits, des chaussures, tout ça, on revendait ça dans des marchés, poser ça par terre, voilà quoi. Sorte de brocante, mais de pauvre. On est dans une situation. Si on ne se serre pas les coudes, on ne vaincra pas cette saloperie. Vous avez peur ? Bien sûr, on aime tous la vie. Hein. On est encore jeune. On a tous peur, oui. Et en même temps, vous n'êtes pas masqué. Vous avez un masque sur vous ? Désolé. Déjà, on n'arrive pas à manger, le masque. C'est quoi votre prénom ? Shems. C'est vous qui êtes à l'origine de cette initiative ? Ouais, moi avec mon groupe. À la base, on est juste des parents d'élèves élus dans l'école du quartier à Saint-Denis. C'est la plus grande de Saint-Denis, en Anatole France. Et on a une asso sportive, une petite asso qui fait dans ce gymnase d'ailleurs, qui fait des activités parents-enfants. Et puis, ça a commencé par un petit SMS, ma voisine, mon voisin de palier, la dame âgée qui est Covid et qui ne peut pas sortir. On a commencé avec 4-5 personnes. Et maintenant, au bout d'un mois, on fait bénéficier une centaine de familles. Vous avez toujours été dans l'entraide comme ça ou... Bon, on fait ça. Moi, j'ai vu ma mère aider les gens, mes parents aider les gens. Ma mère, elle est assistante maternelle professionnelle au département. Moi, chez moi, il y a dû avoir peut-être, je sais pas moi, on a fait le compte, plus de 80 enfants qui ont vécu chez moi, qui ont grandi chez moi. Certains même sont venus tout bébés. D'autres ont été adoptés d'ailleurs par ma mère. Si nous, on le fait pas, ben, y a des gens qui ont faim. Et des gens qu'on voyait tous les jours devant l'école. Et je pense que quand cette crise va finir, parce qu'elle va bien finir un jour, si on les aide pas, j'aurais vraiment du mal à les regarder dans les yeux quand tout ça va s'arranger. Parce que c'est vraiment des gens qui ont besoin, c'est pas pour faire semblant, quoi. Voilà. Je fais partie du collectif Les Morts de la Rue. Vous savez, on recense les morts, les personnes qui meurent dans la rue, les SDF qui meurent dans la rue. Alors l'été on meurt de chaud, l'hiver on meurt de froid. Et là en plus de l'été, il y a le Covid. Et il n'y a rien. Il n'y a rien. Est-ce que vous pouvez vous éloigner un tout petit peu de la personne qui parle, parce que du coup j'ai du mal à entendre. Lina, s'il te plaît, laisse-moi faire le... S'il te plaît. Attends, je vais changer. Non, mais en tentant. Allez, voilà. Je me suis éloigné d'elle. C'est ma fille qui est gros. Allez-y, madame. À Gennevilliers, il y a combien de résidents, vous savez ça ? Ben, je crois 1200 et 1400 résidents. Alors, moi, je suis président de la section de Gennevilliers, et nous, on a une quinzaine de sections sur la France. D'accord. Moi, je travaille avec Gennevilliers, et je suis un Gennevillois depuis 50 ans, donc je connais un peu les foyers, et j'ai fait de la permanence sociale, j'étais un ancien résident aussi dans ma jeunesse. D'accord. J'ai participé aussi à beaucoup de luttes dans les foyers à Doma et Sonacotra dans le temps. Et on aide les résidents de Chibani à s'organiser en comité de résidents. Mm-hmm. Et quand le confinement a été installé en France, donc on s'est dit pourquoi ne pas créer un groupe WhatsApp. Et comme on peut pas sortir, on se téléphone et on donne les renseignements s'il y a quelque chose à apporter à ces résidents. Et après, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de décès, et les décès n'ont pas, ces gens-là qui sont décédés n'ont pas de famille. Voilà. Pourquoi les Chibani, donc les personnes âgées, ne vont pas en maison de retraite ? Ben, la maison de retraite, je crois que c'est la démarche, ils font jamais la démarche, c'est cher, et c'est aussi, c'est rare. Alors, en plus, la plupart, ils ont vécu sur la ville 40 ans et ils préfèrent rester entre copains et au moins sentir qu'ils sont entourés de gens avec qui ils ont vécu longtemps. cette période de coronavirus est un excellent moment pour s'entraîner à construire un autre monde. C'est le moment où nous devons apprendre à faire le bien pour le bien de l'autre, même étranger. Notre vie doit désormais être la preuve quotidienne que nous considérons que les vies des malades du cancer, des personnes âgées, handicapées, de celles et ceux qui vivent dans des conditions impensables, des espaces surpeuplés et dangereux, ont de la valeur. Nous ne savons pas encore si ça va changer tout pour le mieux. Nous ne sommes pas sûrs si nous serons capables d'arracher quelque chose de mieux que le capitalisme des décombres de cette peste. Il va y avoir une dépression après. Mais j'ai l'impression que je peux affirmer que en 2020, la dialectique des vraies familles contre la famille, des foyers solidaires contre les foyers idéologiques imposés, d'isolement, devrait s'intensifier. Les mille et quelques sont seuls. Heureusement qu'il y a autour d'eux les voisins, les résidents. Ils le font bien. Qui discutent, hein, qui frappent, qui font un repas, ils le partagent avec l'autre. Et voilà, j'ai un petit peu demandé de ça, comme la famille avait mangé à la maison ce soir. J'ai les enfants. Et le ramadan, on partage la soupe. Désolé, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de bruit. Les gens font la prière au sous-sol des foyers quand il y a une mosquée, ou ils vont à la grande mosquée qui est pas loin de 1, 2, 3, 4 foyers. Qui a 200 mètres, 400 mètres. Donc tout ça, ça fait que les Chibanis bougent un peu. Mais maintenant, ils bougent plus. Maintenant, on les voit plus dehors, on les voit plus sur les bancs des jardins, des parcs. Mais il y a un mort qui est mort depuis 3 jours dans sa chambre à Rue des Bains. Il y a des cas comme ça aussi. Là, il est mort depuis 3 jours et on ne s'en occupe pas? Il n'y a personne qui a été frappé à sa porte. Et ils ont été obligés de rentrer et trouver le monsieur décédé. Je crois qu'il est algérien. Il y a d'autres qui sont décédés, mais on ne sait pas si c'est du virus ou parce qu'ils sont âgés. Et il y en a même qui sont rentrés à l'hôpital pour autre chose, et après ils sont sortis de l'hôpital avec le virus. Il y a même un autre qu'on a perdu de vue carrément, qui est parti des pompiers, ou je sais pas qui c'est qui l'a amené à l'hôpital, et on trouve même pas. Aujourd'hui, j'ai appelé tous les hôpitaux, trois hôpitaux où on le retrouve pas. Bon. Il y a d'autres qui sont encore à l'hôpital et on sait pas. Il y a un autre qui est mort à Chandon. Rue des Bains, donc il y a les deux qui sont, qu'on ne sait pas leur état, à Chour, à Bouche, ils sont décédés. Bon, voilà. La liste commence à s'allonger, malheureusement, et les autorités ne font rien parce que le problème, comme on sent qu'un, c'est qu'il y a une suroccupation. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai peur qu'il n'y aura plus rien. Non, vous inquiétez pas, vous aurez votre colis aussi. Merci. Je suis en deuil en ce moment pour ma mère qui était... Enfin, je fais le deuil d'une relation très compliquée, même... traumatisante. Je connais beaucoup de gens qui ont déjà perdu quelqu'un au COVID-19. Et je crois que tout ça m'a fait comprendre que l'expérience que nous allons avoir globalement va être une expérience de deuil. Nous allons devoir faire le deuil d'un monde, en fait, et aussi de multitudes de personnes. Nous allons devoir faire des théories, bien comprendre, bien parler de ce qu'est-ce que c'est le travail de deuil, en fait. Alors, c'est un petit peu dans cette direction par rapport au deuil collectif, solidaire. Et peut-être aussi lent. En fait, il y a une question de temporalité anticapitaliste qui émerge, je crois, aussi, dans le confinement. La possibilité, même le droit, de ne rien faire. et non seulement le deuil, mais aussi la paresse, en fait. Et l'émergence de nos désirs qui pourraient peut-être avoir lieu dans une prolongation de notre repos collectif. Nous devons apprendre un petit peu à prendre le pouvoir en nos mains. C'est pas l'État qui va nous sauver, c'est pas aussi le foyer nucléaire, mais la prochaine fois que nous allons entrer, je crois, dans un siècle de pandémie, n'est-ce pas? Et nous devons apprendre à gérer ça nous-mêmes, par nous-mêmes. Le confinement idéal serait une solidarité maximale, un soin, un care, une culture d'autonomie et aussi de respect profond, d'amour et tout ça. Je sais pas. C'était la série documentaire Un printemps au temps du confinement. Vivre confiné et s'échapper. Avec Annie, Guy, Kaïda, Mamie Huguette, Sophie Lewis, Muriel Salmona et sa patiente, des jeunes du Morvan, Hervé, Khalifa, Iliès de Normandie, Chems et l'Association des parents d'élèves de Saint-Denis, le président du comité des résidents de foyers de Chibani, Iliès d'Ivry. Un documentaire de Perrine Kervran, Alain Levkovitch, Mathias Méji, Jérôme Sandlars, Marie Chartron, Antoine Tricot, Johanna Bedeau, Camille Jusa, Uldi Maillot, Rémi Dibowski-Douatte, Émilie Chaudet, Nejma Wakra, Valérie Borst, Pauline Vaucor, Valérie Lavalard, Anne Pérez, Marie-Vonne Abolivier et Angélique Thibault. LSD, pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter sans attestation, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Méji et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, deuxième épisode, Travailleurs déconfinés. Mais en attendant, restez à l'écoute. C'est du sentiment. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout. Sous mes pieds, le ciel revient. La peau.